Audiomatique. estás. Te quiero. Tengo el jodido dinero y voy a sacarte de ahí. Solamente uno esta vez. Transmission 505 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet Juno Reactor. La pièce que nous avons écoutée, intitulée Pistolero, introduit l'album Shango, qui est publié en 2000. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Cranes d'assurer la continuité à Audiomatic. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation montréalaise Big Brave, de son plus récent album paru le 19 avril 2024 et intitulé A Chaos of Flowers. Nous entendions la chanson Not Speaking of the Ways, dont les paroles sont inspirées de la poétesse japonaise Akiko Yosano. Précédemment à Big Brave, il s'agissait du groupe anglais Cranes et la chanson Fracture, tirée de son tout premier album Fuses, qui est paru en 1986 uniquement sur support cassette, mais qui a été réédité par Cranes en format cassette, CD, numérique et vinyle le 5 avril 2024. Et Audiomatic se poursuit avec une pièce du batteur américain Makaya McCraven. Thank you. Audiomatique, cette longue pièce intitulée The Master est en fait un collage réalisé à partir de sessions d'improvisation dirigées par le batteur Makaya McCraven. On peut retrouver cette composition sur la version deluxe de l'album In the Moment paru en 2016. Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la collaboration entre le groupe Motor Psycho et le claviériste Staul Stulutkin. Thank you. C'était à Audiomatique la collaboration toute norvégienne entre le groupe Motor Psycho et le claviériste Ståle Sturluson, qui nous interprétait la pièce Through the Veil Parts 1 and 2, extraite de l'album The Death Defying Unicorn, sorti en 2012, et auquel ont collaboré le violoniste Ola Tvernberg, l'ensemble de musique de chambre Trondheim Soloist et le Trondheim Jazz Orchestra. La transmission d'Audiomatique se conclura sur la musique de l'artiste James Murray, de qui nous entendrons la pièce Passing Places, tirée de l'album Eyes of the Hate, publié en 2016. Nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique.cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici James Murray et sa composition Passing Places. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.